La Rock, let's get Murder them, let's go. J'ai plus le temps et j'ai pris l'habitude d'arrêter de jouer au Mac, mais les femmes veulent me chat maintenant. Prennent temps de checker la situation maintenant. Elles veulent des gars en voiture et du cash maintenant. T'as déjà eu une fille qui touche, je te jure, je t'aime. Maison. Pourtant ce soir, son chat attend à la maison. Maison. Mais en vain, mais en vain, étant au moins trois quarts. Qui essaie de t'impressionner avec des jupes un quart. Faut pas charrier ni chialer, même si on se fait achaler. Au risque, je suis un allié. La semaine passée, je suis allé downtown, where the party at. Je vois une fille qui m'appelle, where you going at. En temps normal, je fais un smile, fly comme Alan. Clip mon left eye. J'pense à ma femme, ce girl that be alright. Tonight, let it go, say what? Nobody will know. C'est ça qu'elle me dit, en plus elle me dit qu'elle a du dos. Whoa, gotta go, no, why? I said so. I got a soulmate, so I'm going back home. So, j'fais ma route, j'suis en train de me demander quand. Elle va me laisser tranquille parce que j'ai plus le temps. One. Yo, j'ai plus le temps, mais j'dis aux femmes que j'suis marié, you know? Il veut rien savoir, mais on dirait c'est là que je poigne plus. Mais... Les bêtes, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Les bêtes, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, yo. Offers ou à quoi? Rentrez-vous. Les bêtes, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Les bêtes, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, yo. Offers ou à quoi? Dis-moi bébé, pourquoi tu act fou quand tu sais que t'as besoin du bout comme du fat food? Ouais, t'es un fat ass, à cause de ça tu marches comme si t'as de la classe. Puis tu me regardes comme si j'étais en bas de la classe. Shit, j'adore les gars qui ont pas de contraintes. Sont dans pour toi en autant que tu les mets pas enceinte. J'ai pas le temps, like I said. So si t'es down, just fais-moi signe comme ça, baby, y'a pas de stress. So yo, j'arrive dans la place, puis je vois un tête, je quitte. Je pote la gueule avec qui, je veux retrock, qui quitte, you know. Style l'équitation, j'te ride, I'm ride. Toi, contact, essaie de faire ça slick, j'te vois, tu hide. Un kiss sur tes lips, une messe sur tes hips, l'autre messe sur tes têtes. J'en m'en s'applique la tête aux pieds comme le patinet de Chris. Oh shit, une yes, trop bizarre, après que tout t'aimes le dos. Sois jamais escroc, après t'emmènes au resto. Les bêtes, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Les bêtes, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, yo. Offers ou à quoi? Rentrez-vous. Les bêtes, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Les bêtes, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, yo. Offers ou à You need love, c'est pas de ma faute si t'es insécure. T'en as une offre, des patinets qui t'ont fait des blessures. Yeah, j'comprends, mais même pas ça sur moi, bébé. J't'ai demandé ton nom, j't'ai pas demandé ton corps, mémé. J'ouris à la femme, elle me regarde la tête aux pieds. Elle prend des poches, j'sais comment elle boucherait aussi. Plus elle soupire, j'm'approche, elle me donne un air choqué. En plus, sa face est même pas nice, mais le reste, ok. Yo, stress, ok. Sous son dada, piquette, y'a fait. Il faut que j'me la fasse aujourd'hui, yeah, cut the fate. J'commence relax, prends du chit-chat, pis là, j'passe aux exacts. Faut chez Omanezo qu'après le boss que j'me la fais. Ce sera toujours pareil, avant, maintenant. Ou après, checker des femmes chill, boire de la colère après, faire exprès, trouver un moyen, faire son faux, là mes back home, dans ta tête, déjà dans sa zone, c'est drôle, ça fait partie de mon passé, mais les femmes m'en veulent plus comme ceux qui en ont pas assez, chez eux, chez le voisin, en étant par sans voir rien, y'a pas juste les dames, dans les gars, y'a plein de voix à rien, qui foutent leur dans un paquet de trous, pour quelques, ça capote, t'es fou, j'avoue que c'est pas toujours évident, si t'arrives pas à contrôler, t'es mieux de la garder en dedans. Les bêtes, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Les bêtes, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, yo. Offers ou à quoi? Rentrez-vous. Les bêtes, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Les bêtes, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, yo. Offers ou à quoi? Rentrez-vous.